Nyangi. Bonjour à vous tous qui suivez la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Dans la série des irrégularités relevées au sein de la régie des eaux, aujourd'hui, vous suivrez le fonctionnement du garage de cette société ainsi que les prestations de certaines commissions de passation des marchés. Dans cette édition, nous vous parlerons des projets de société du parti MSP Inginzo et la Fédération d'athlétisme paralympique du Burundi diffère face à beaucoup de défis, dont la promotion du sport chez les personnes vivant avec handicap. Vous l'entendrez dans cette édition où nous vous parlerons également hygiène au marché Kotebu, situé en zone urbaine de Ngagara. La mise en onde est assurée par le duo Dorine Wimana et Pita Sendaishimiye. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, page politique. Pour débuter cette édition, 5 projets de loi sont sur la table du Conseil des ministres de 2 jours, c'est-à-dire ce mercredi et jeudi. Parmi ces projets de loi figure celui fixant le budget annuel de l'État exercice 2019-2020. Le Conseil des ministres se tient pour la première fois dans le nouveau bureau de la présidence de la République du Burundi, situé à Gasenyi, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Ce projet de loi a été présenté par le ministre burundais des Finances. Et dans la série de présentations des projets de société des partis politiques, aujourd'hui c'est le tour du parti MSP Inginzo. Tite Uchumi, président de ce parti, dit mettre en avant la réorganisation du secteur agricole et foncier pour que seul le gouvernement se charge de l'agriculture moderne. Ce parti envisage également des mesures de la sécurité sociale pour les employés, surtout les maçons. Suivez. Pour le parti MSP Inginzo, Ijambo rya Barundi, notre projet de société, d'abord, nous projetons le développement du pays, le développement de la population. Il faut d'abord que la population soit à l'aise dans le pays. Pour le développement, vous voyez d'abord l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, vous voyez la population cultivée avec la roue, c'est un problème. Nous disons d'abord que cette culture peut être travaillée par le gouvernement. C'est le gouvernement qui peut cultiver la terre parce que vous savez que la terre c'est pour l'État. À ce moment, vous voyez même comment les gens sont en train de construire anarchiquement. Ça ne va pas parce que demain, même la population qui cultive avec la roue n'aura pas où vont cultiver. C'est un problème. Nous disons qu'il faut que d'abord c'est l'État qui s'en charge avec la culture. Ils cultivent et puis où ils se trouvent ces maisons, il faut les déménager. Nous, pour le parti MSP Inginzo, nous disons que il faut au moins que la population peut manger au moins une fois, deux fois par jour. D'autres secteurs, je dirais par exemple secteur de la santé, il faut que l'État toujours soit responsable pour la santé, pour l'emploi, les gens qui vont à l'école, mais ils terminent ses études, mais ils peuvent même vieillir sans même pas avoir où travailler. Et c'est un problème à ce moment. C'est pourquoi il faut bien planifier comment organiser les écoles, il faut organiser comment on peut organiser les secteurs. Les chômeurs, à ce moment, il n'y aura pas de chômeurs dans ce pays parce que c'est l'État qui va s'en charger avec tous ces secteurs. À ce moment, il n'y aura pas un problème de chômage. On va les payer mensuellement. C'est pas un problème si tu organises bien le pays. Si vous envisagez payer les chômeurs, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est pour encourager les paresseux? Non, on n'encourage pas les paresseux, mais même les paresseux, ils ont droit de vivre à ce moment dans un pays. Mais il y a d'autres qui ne sont pas des paresseux, qui veulent où travailler, mais ils ne trouvent pas le travail. À ce moment, il faut les aider. Même les enfants, il y a des enfants qui sont paresseux à la maison, mais tu ne dis pas qu'ils ne vont pas manger. Terminé pour le parti MSP Inginzo, tout va être organisé par l'État. Oui. Au niveau du parti MSP Inginzo, qu'est-ce qui rassure que ce projet de société, ça ne sont que des mots? Nous sommes des hommes de parole. Nous avons de bons programmes à faire. Tite Uchumi, c'est le président du parti MSP Inginzo qui répondait aux questions d'Elini Bell. Ni Wigira en page gouvernance. Certains des travailleurs de la régie des eaux ne voudraient pas que la production en énergie électrique augmente afin qu'ils en tirent profit. Une annonce faite vendredi de la semaine passée lors d'une assemblée générale avec le personnel de cette société. Comme Manera Kiza, ministre burundais de l'eau, énergie et mines, a fait savoir que le garage de la dite société laisse à désirer. Le ministre Manera Kiza rappelle que la vie ne peut pas être possible sans eau ni électricité. Suivez-le, traduit en français par Richard Nyonguru. Les idées de Hagarice, au moyen de Gagari Kamaz, au gouvernement de Gouandania, nous. Si une fois la régie des eaux arrêtée de distribuer l'eau et l'électricité, imaginez-vous la suite. C'est impossible. Ce que nous vous demandons de nous faire toujours signe dans toutes vos activités quotidiennes. Si vous avez besoin d'aide, nous allons vous aider. On ne peut pas cautionner l'échec. Vaut mieux démissionner dans ce cas-là. Il est impossible qu'on sacrifie toute une entreprise pour l'intérêt d'une seule personne. Impossible pour ce qui est des garages. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas y passer une heure sous risque de trouver tout le matériel changé. Il y a la corruption et les corruptions. Donc, les gens arrivent à des stades d'extase jusqu'à une étape difficile à contrôler. Il n'y a pas longtemps, il y a eu, tout le monde le sait, le marché de Jiji Mulembwe. On a ouvert les offres le 12 juin 2017. L'année s'est écoulée sans qu'on sache celui qui a gagné le marché. Les 6 mois de l'année suivante se sont écoulés alors qu'il y a des commissions. On se demande, est-ce que ces gens ne savent pas lire? Les chiffres sont là, les dossiers d'appel d'offres sont connus. Si on donne un travail à une commission de choisir le gagnant à qui on confie la construction du barrage, vous ne suivez autre chemin que les offres déposées. Ça n'avance pas une année et demie. Où est-ce que nous allons? Est-ce que vous savez que parmi vous, il y a des gens qui ne veulent pas que l'électricité augmente? Le saviez-vous? Les gens de la régie des eaux qui ne veulent pas que l'électricité augmente pour nous laisser traîner dans le délestage seulement parce qu'ils étaient les profits. Comme Manera Kiza, ministre burundais de l'eau, énergie et mines, et le directeur général de la régie des eaux a promis ce mercredi de s'exprimer vendredi de cette semaine en conférence de presse. Pour rappel, un délai d'une semaine a été donné à cette direction pour qu'elle change de stratégie de travail. À 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par la page Société. 200 litres de carburant ont été saisis par la police en patrouille la nuit de ce mardi à la station se trouvant à la 7e transversale Chibitoke, alors que le locataire de cette station vidait les tanks afin de revendre ce carburant frauduleusement. Le commissaire de police à Chibitoke indique que le locataire va écoper d'une amende et que la permission de vendre le carburant à la station Interpétrole lui soit retirée. Les précisions d'Alexis Nshimirimana depuis Chibitoke. La quantité de ce carburant saisi par les agents de la police en patrouille à 22h20 de ce mardi est de 200 litres. Son carburant a été saisi alors que le locataire de cette station d'Interpétrole à cette transversale Chibitoke au chevalier de la province était en train de vider les tanks en remplissant des bidons. Au moment où le commissaire provincial de la police à Chibitoke, Bonfort Ndorirao, est apparu sur cette station Interpétrole, le locataire a tenté de se justifier que les tanks étaient pleins et que c'est pour cela qu'il est vidé. Mais sur la question de savoir le rôle des bidons de 20 litres qui se trouvaient sur cette station cette nuit, il n'a pas pu avoir de réponse. Le commissaire Ndorirao nous a indiqué qu'il avait des informations que les pompistes et les locataires de cette station avaient l'habitude de vider cette station afin de revendre le carburant frauduleusement à des prix élevés. Le matin de ce mercredi, le commissaire provincial de la police, Chibitoke, nous a affirmé qu'après contact avec le gouverneur de la province Chibitoke, que le locataire de la station Interpétrole à la 7e transversale Chibitoke va écoper d'une amende. Également, au sein de l'Interpétrole, on va écrire une lettre de suspension des activités de vente de carburant aux locataires. Depuis Chibitoke, Alexis Ndayiragije, Radio Isanganiro. C'est bel et bien Alexis Ndayiragije, non Alexis Nshimirimana, comme je venais de vous le dire. Quittons la province Chibitoke pour nous rendre en province Kayanza, c'est au nord du Burundi. Oui, robinet, 4 réservoirs d'eau vont être construits sur 4 collines des communes Muhanga et Gahombo de cette province de Kayanza, comme l'indique l'ingénieur Adrien Kiyoya, superviseur de ces travaux. C'était ce mardi, lors du lancement officiel des activités d'adduction d'eau potable à Muhanga, par la Brahoudi sur le financement de Heineken African Foundation. Certains riverains de cette localité saluent ce projet et la distance qu'ils effectuaient pourra être réduite, disait-il, et les précisions de Vestine Boutoui qui s'est rendue sur terrain. Ce sont des habitants de la colline Kanyundo, sous colline Gakecheri, qui sont satisfaits du projet d'adduction d'eau potable dans cette localité par la Brarudi. La source d'eau qui va alimenter cet endroit se trouve au pied de la montagne Mukinya. 8 robinets et 4 réservoirs vont être mis en place, comme l'indique Adrien Kiyoya, ingénieur chargé d'assurer la supervision de ces activités. Cependant, une des bénéficiaires du projet d'adduction d'eau potable de cet endroit affirme qu'actuellement, ils puissent de l'eau à une longue distance. De plus, quand ils ont fait beaucoup d'activités champêtres, une autre dit qu'elles deviennent fatiguées, ce qui fait qu'elles peuvent manquer de l'eau pour la cuisson à cause des robinets qui sont loin de leur ménage. Cette fois-ci, ils espèrent qu'après ces travaux d'adduction d'eau potable, ils n'auront plus de difficultés à se procurer de l'eau potable. Dans son discours, le conseiller principal du gouverneur de Kayanza, Vianney Ndikumana, estime que la diminution de la distance que les habitants de la dite localité effectuée étant à la recherche de l'eau potable pourra réduire considérablement les violences faites aux femmes et aux filles qui puisaient de l'eau à une grande distance le soir. Les collines bénéficiaires de ces robinets et réservoirs d'eau sont Kanyundo, Katozo, Masanze de la commune Muhanga ainsi que Nzewe de la commune Gahombo. Festine Boutoui, je vous l'annonçais en titre, la Fédération d'athlétisme paralympique du Burundi fait face à beaucoup de défis dans la promotion du sport chez les personnes vivant avec handicap. C'est entre autres le manque d'infrastructures, des appuis financiers ainsi que les techniciens, à savoir les entraîneurs et arbitres. Le directeur technique adjoint de la Fédération paralympique du Burundi le dit au moment où les athlètes vivant avec handicap se préparent pour participer dans les compétitions africaines. Cassien Bizabigomba explique que malgré les défis, la Fédération paralympique compte rafler les médailles dans les Jeux qui se dérouleront au Maroc et en Ouganda. Suivez-le au micro de Évariste. Nous avons une équipe qui va représenter le Burundi en athlétisme. Cette équipe est composée de deux athlètes, une athlète handicapée physique et une autre handicapée visuelle, donc une malvoyante. Cette équipe se dirigera vers la ville de Marrakech au Maroc. La compétition débutera du 19. La deuxième équipe est composée par 6 joueurs, 3 filles et 3 garçons. Nous nous dirigerons aussi vers la ville de Kampala, en Ouganda. Toutes ces deux équipes partiront en date du 18 pour faire la compétition sur la période de 10 jours. Ça évolue très bien parce que, si je peux un peu vous rappeler, nous avons déjà récupéré ou reçu beaucoup de médailles d'or et d'argent et aussi de bronze à l'extérieur du pays, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Maintenant aussi, nous pouvons dire que nous espérons avoir des médailles et des prix qui vont quand même honorer le nom du pays, le Burundi. Oui, on attend que les choses évoluent positivement, il n'y a pas de difficultés. Les difficultés, il y en a. Là, on peut quand même citer les difficultés d'accessibilité pour nos joueurs, l'accessibilité physique, parce que les terrains sont inaccessibles, parce que si on peut dire du côté de sitting volleyball ou volleyball assis, nous avons un seul terrain. Côté entraîneur, côté arbitre, est-ce que vous vous suffisez au niveau de la Fédération paralympique? Nous n'avons pas de techniciens bien formés qui ont des performances. Donc, au comité paralympique, nous voudrions des techniciens, entre autres des entraîneurs. On n'a pas d'arbitre du volleyball sitting ou volleyball assis. À l'heure où nous sommes, nous n'avons qu'un seul technicien, arbitre, formé et breveté au niveau du volleyball assis ou sitting. Cassien Bizabigomba, directeur technique adjoint de la Fédération paralympique du Burundi. Page hygiène de cette édition. Des ordures s'observent à l'extérieur du marché du Kotebu, situé en zone urbaine d'Ongagara. Des commerçants qui exercent leurs activités à cet endroit disent être gênés et demandent une collecte régulière de ces déchets. Des précisions d'Ornella Mucho. À l'extérieur de son marché du Kotebu, où l'on vend différents légumes comme les tomates et les poireaux, près de l'agence Interbank, c'est difficile de traverser ce tronçon à cause des tas des ordures constituées de feuilles sèches. Ces immondices ont déjà formé une sorte de montagne, à tel point qu'une personne peut tomber si elle ne tire pas attention. Un des commerçants qui vend des poireaux dit que ces ordures s'y observent il y a 2 mois. Il souligne que ça s'aggrave durant la saison pluvieuse à cause des boues mélangées à ces déchets qui bloque ce tronçon. Avis partagé avec une vendeuse de tomates qui avance que ces saletés rétrécissent cet espace et comme conséquence, les clients viennent difficilement. Elle craint d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène et demande aux concernés d'enlever ces immondices. À ce même marché dit Kotebu, à l'endroit où se trouvent les toilettes, tout près des bistro Wanza, une mauvaise odeur se sent. Les gens rencontrés à cet endroit affirment qu'ils se soulagent faute de manque de moyens pour payer aux toilettes. Le commissaire de ce marché, Aimable Ndouayo, dit qu'il va être en contact avec une entreprise chargée de collecter régulièrement ces ordures pour trouver une solution à ce problème. Et quant aux gens qui se soulagent en dehors de ces lieux d'aisance, il fait savoir qu'ils sont punis une fois attrapés. Une demande d'assistance dans cette édition. Bukuru est l'un des jumeaux de 7 ans handicapé avec une blessure sur sa jambe gauche. Une blessure qui tarde à guérir. Sa maman Marie Nikarahera a dit être indigente et d'avoir tout fait pour faire soigner son enfant malgré ses maigres moyens. L'assistance médicale a toujours été de courte durée, dit-elle. Elle interpelle les âmes charitables à venir en aide afin que son enfant puisse retrouver sa santé. Un reportage de Christian Savie. Marie est une dame indigente de 8 enfants, dont les jumeaux de 7 ans. Parmi ces jumeaux, un est handicapé. Il souffre d'une blessure qui saigne, puis il laisse les pis sur sa jambe gauche. Il n'a pas eu la chance d'aller à l'école comme son frère jumeau. La maman raconte ici la souffrance de son enfant. Un de mes enfants jumeaux est handicapé, qui a une blessure qui tarde à guérir. Il est devenu handicapé à 6 ans. Aujourd'hui, il a 7 ans. Marie a tout fait pour soigner son enfant. Cette blessure est sortie de nulle part. Je ne comprends même pas. J'ai tout fait pour soigner mon fils à la hauteur de mes maigres moyens, sans succès. Les infirmiers lui ont donné quelques comprimés qui n'ont rien donné. La blessure continue à se réinfecter, saignant, pue et laisse les plis. Elle interpelle les âmes charitables à lui venir en aide. J'interpelle les âmes charitables à venir en aide à mon enfant qui est né sans handicap ni cette blessure. Si jamais son enfant guérit, elle préconise à l'envoyer à l'école, joindre son frère jumeau. En attendant, Marie reste persuadée que son enfant va guérir. Christian Savier à 13h14 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais je vous en rappelle les grands titres. Certains des travailleurs de la régie des eaux ne voudraient pas que la production en énergie électrique augmente afin qu'ils en tirent profit. C'est une annonce faite vendredi de la semaine passée lors d'une assemblée générale avec le personnel de cette société. Pour différentes irrégularités au sein de la régie des eaux, le directeur général de cette société a promis de s'exprimer vendredi en conférence de presse. Et la Fédération d'athlétisme paralympique du Burundi dit faire face à beaucoup de défis dans la promotion du sport chez les personnes vivant avec handicap. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à l'équipe qui assurait la mise en onde de Dorine Ouimane et Peter Sendai Chimier. Je dis merci, un très bon après-midi à tous et à tous, au revoir.